Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenidos. Elle est partie. À l'international CJMDFM. Et oui, votre émission de jeu, Puissance Maximale, est en ondes, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. À chaque semaine, pour vous présenter cette émission, en compagnie de mon comparse de toutes les semaines, depuis presque maintenant 3 ans, Monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va bien, Monsieur Michaud. Là, une grosse émission encore cette semaine. On a Chantal Campagna, alias Fraulein Evil, qui va venir nous parler jeux de plateau, les nouveautés, ses suggestions qui s'en viennent. Et aussi, on va parler d'un événement qui s'en vient aussi dans pas long. Également, on va parler on va faire un retour sur l'événement Nadishcon à laquelle on est allé la fin de semaine passée. On avait Maxime Girard la semaine passée qui est venu nous en parler. Malheureusement, pour ceux qui attendent l'émission de la semaine passée, on était très, très, très occupés depuis vendredi dernier. Des élections. Ben, il y a eu les élections. Il a fallu qu'on aille voter, ça a pris tout notre temps. C'est ça, ben, il y a eu les élections, mais surtout qu'on a passé la fin de semaine à Nadishcon. On est allé aussi au Pub La Revanche. On va vous présenter une petite entrevue la semaine prochaine là-dessus. Donc on s'est promené pas mal depuis vendredi passé, donc on n'a pas pu mettre l'émission en ligne. Mais ça a valu la peine parce que j'ai consulté la personne en question, on peut déjà annoncer la venue d'un nouveau chroniqueur. Ben oui, on va avoir un nouveau chroniqueur à puissance maximale, mesdames et messieurs. À partir de la fin du mois, ça va être Monsieur Louis-Étienne Desgagnés qui va être avec nous. Et compagnie, en fait, des journées ludiques, en fait, c'est présent. Ça va être une nouvelle chronique présentée par les journées ludiques de Québec, pardon. On vous rappelle que ça se passe au mois de juin et c'est une grosse fin de semaine où on joue à des jeux de société, jeux de plateau. Et là, on a Chantal qui va venir nous en parler tantôt, qui va venir nous parler des nouveautés, de ses coups de cœur. Mais Louis-Étienne, lui, va venir faire des critiques exhaustives, disons, comme les chroniques qu'on fait ici, une vingtaine de minutes après. Oui, c'est ça, nous parler de jeux. Là. C'est ça, ce qui va nous faire la critique d'un ou deux jeux par mois, là, de façon exhaustive. Lui et ses comparses, c'est ça, des journées ludiques, ça va être en rotation. Donc, voilà. Également, c'est une des nouvelles qu'on voulait vous annoncer. Oui, mais moi, j'étais trop impatient. C'est ça, une des nouveautés pour Puissance Maximale à partir de la fin du mois. On leur dira une deuxième fois plus tard, ouais. Pour les gens qui l'auraient manqué. Et évidemment, plus tard dans l'émission, vous aurez également d'autres nouvelles, donc une grosse nouvelle aussi au niveau des événements geeks dans la région. On vous garde le suspense pour la deuxième heure. Oh, Mike, t'es pas correct. Ah, c'est comme ça. Je m'en puis plus. Ah, toi, tu le sais, ça inquiétait, toi. Donc, ça s'en vient pour la deuxième heure de Puissance Maximale. Mais avant tout, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur le site pour écouter nos anciennes émissions, podcasts, entrevues, lire des nouvelles. Profitez-en, passez par le site. On vous demande également d'aller sur la page Facebook de Puissance Maximale. Tapez puissance maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. On vous demande d'appuyer sur le petit bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Vous le savez depuis le temps qu'on vous le répète. Mais c'est surtout aussi pour faire la diffusion de cette page-là auprès de vos amis geeks. Parlez le plus possible de l'émission parce que nous, on veut avoir plein de fans. Puis en fin de semaine, en plus, à Nadeshikon, on a eu plein de monde qui sont venus nous voir. Ah, on aime l'émission, on est content de vous écouter. Après ça, on demande, c'est quoi votre nom? Puis on va sur notre téléphone, puis on fait, vous aimez pas la page de puissance maximale. C'est qu'on a des fans qui aiment pas la page. Donc, profitez-en, passez par la page de puissance maximale sur Facebook. Puis en plus, grâce à ça, vous avez des nouvelles fraîches de l'émission tous les jours. Puis, en passant, quand on fait des concours, je sais, ça fait longtemps. Mais ça s'en vient, Tenez-vous à l'affût, mesdames et messieurs, parce que côté concours, il y a des choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. Mais une qu'on peut confirmer tantôt en deuxième heure parce que c'est dans mon char. Ouais, c'est ça. Ben en fait, ce sera pas pour aujourd'hui, mais c'est des préparations qu'on fait. C'est des petites offres qu'on a eues, là, des petits produits à faire tirer. Puis on veut vous en offrir le plus possible. Donc on fonctionne principalement par la page Facebook de Puissance Maximale. Donc si vous voulez participer, inscrivez-vous, appuyez sur le bouton j'aime de la page de Puissance Maximale. Parce que si vous répondez au concours et que vous n'aimez pas la page Puissance Maximale, ben on devra passer à un autre appel. C'est un des deux critères. T'sais. C'est ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui et le futur. Et comme à notre habitude, avant toute chose, nous commencerons en musique. Et là, on va y aller avec un vieux classique du groupe RBO qui parle de ruralité. La chanson s'appelle « Le trou ». Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. 3! Petit village de consanguin. On passe toutes nos journées à travailler dans mine. Puis toute la fin de semaine, on regarde passer les machines. Pour préserver la mémoire de notre aïeul, on passe toutes nos soirées à se saouler la gueule. Puis quand on est galop, on se tapoche entre amis avant de s'endormir dans notre plaque de vomi. Cette belle région que nous sommes fiers d'habiter, sans autre prétention, on se doit de l'avouer. C'est nous. Juste une gosse. Y'a la grosse Marie-Pierre, elle a mangé des fourmis. Parce qu'on y a fait à craindre que c'était des Rice Krispies. Hey, tout le monde! À l'âge de 14 ans, j'ai dû marier ma cousine. Quand ils nous ont poignés à baiser dans farine. Et je suis le repère d'un joli petit poupon qui nous fait des babayes avec son petit bras dans le front. Depuis que Gros Raymond a une carabine à pion, il y a beaucoup moins de touristes dans la région. Va-t'en chez vous. Quand il neige partout, mon frère a rôlé fou. Il fonce dans le monde avec son skidou. Quand arrive le printemps et qu'il fait moins frais, il continue à faire du skidou dans la éboulements. Mais on mange pas de bine, on sait jamais finalement. Quand tu meurs à 1000 pieds sous terre, ça coûte moins cher de faire du lirail. Un trou chez nous. baby. Les jeux de plateau. Diantre, une musique de fond, mesdames et messieurs, pour nous amener tranquillement vers Chantal Campagna, alias Fräulein Evil. Salut Chantal, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et là, il est temps de parler de tout plein de jeux. Là, tu m'as envoyé ta liste tantôt, j'ai dit, ah, oh yes, une grosse, grosse, grosse chronique avec plein, plein de viande, plein de matière. Ben, on a toujours de la viande dans notre chronique. Ah oui, tout plein, tout plein. Mais avant de commencer, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est quand même notre tradition annuelle, on va célébrer le fait que le Canadien... va être dans les séries cette année, donc c'est officiel, ils se sont qualifiés, on est content, donc ça c'est vraiment, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand le Canadien se qualifie, ça veut dire que l'été va être chaud. Ouais, parce que Chantal est une fan du Canadien, elle nous le rappelle à chaque année. Ouais, une fan pas mal finie. Mais tu sais, quand j'habitais à Québec, moi, j'étais une fan des Nordiques. Ah, c'est bien, ça, tu parles des couleurs. J'ai toujours été fan des Nordiques, mais quand ils sont allés aux États-Unis, je n'ai pas pu suivre. Qu'est-ce qui va se passer, Chantal, si les Nordiques seront de retour à Québec, mettons, là? Ben, en fait, ça va être comme des nouveaux Nordiques. Fait que je dois avouer que je vais rester avec le Canadien. À moins qu'on se retrouve avec... Ben, en fait, c'est mon cœur va balancer. Non, ça va être difficile, on verra bien. Si ça arrive, on va pas s'en reparler. Elle va capoter s'il y a Canadien versus Nordique. Ah ouais, exactement. Ça va être le duel, on va dire duel of fate, là, comme dans Star Wars, une grosse musique. Puis, oui, ah, ça serait écœurant. Ça serait malade. Et là, Chantal, on va parler d'une autre ville, en fait, avant de parler de jeu. Parce que là, dans une ville pas si lointaine, qu'on appelle Ottawa, il y a quelque chose... Il y a un gros événement qui s'en vient et c'est le Comic-Con d'Ottawa. Oui, c'est le Comic-Con à Ottawa et ça va être la fin de semaine du 9, 10 et 11 mai. Et ça se passe à Ottawa, au centre de convention. Et cette année, il y a quand même des invités qui sont intéressants, dont Edward James Olmos, le capitaine dans Battlestar Galactica. Il y a toujours beaucoup de gens dans l'industrie du comic qui vont être là, dont Neil Adams, un auteur pour Batman cette année. Il va aussi avoir Christopher Judge. Je ne sais pas si vous êtes des fans de Stargate SG-1, mais c'est un personnage, c'est Tilk. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui vont être là et c'est un gros show. Ça fait pas tellement longtemps qu'il y a une Comic-Con à Ottawa, mais ça a été un succès absolument retentissant. Il y a énormément de gens qui vont là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça ouvre comme un peu la saison des conventions, finalement, à Ottawa, plus que le G animé même. Donc, pour les fans, pour les geeks, les gens qui veulent pas attendre au mois de septembre pour la Comic-Con à Montréal, la Comic-Con à Ottawa, c'est 1h30 de route. Ça vaut vraiment la peine. C'est un peu plus loin là pour les gens de Québec, mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment des événements... assez énorme, en fait. Là, c'est pas même si on compare à Otakuton, à Montréal, puis à d'autres conventions comme ça, c'est vraiment une autre... c'est une autre ligue, on va dire. Puis c'est pas le même genre non plus d'événements. Ça fait que c'est à connaître, c'est à aller visiter. Puis en plus, il y a des gros, gros noms à chaque année. Oui, il y a vraiment des gros noms. Il y a Summer Glow qui va être là, de Serenity, Firefly. Il va avoir le gars d'Almost Human. Il y a Lisa Dushku qui était dans Buffy. Oui. Il y a Robert Englund qui va être là. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment des gros noms. C'est super bien fait. C'est vraiment intéressant. Puis oui, c'est vrai, c'était très Montréal-centriste, mon commentaire, c'est 1h30 de route, là, mais même de Québec ou de Rimouski, ça vaut la peine. Il y a des bons deals pour les hôtels. Ottawa, c'est une ville qui est très, très accueillante et habituellement, en fait, il y a une entente avec je ne sais qui fait que quand tu prends deux nuits dans un hôtel, ils t'offrent la troisième. Donc, ça vaut vraiment la peine de se déplacer. C'est le trip. Ottawa, c'est une très belle ville. Allez voir les tulipes, allez voir Comic-Con. Puis en plus, si vous êtes collectionneur, vous allez trouver des choses extraordinaires dans la salle marchande de ce genre de convention-là. Donc, ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Oui, ça vaut le déplacement. Donc, la Comic-Con à Ottawa au mois de mai, du 9 au 11 mai 2014. Yes! Et là, Chantal, après cet événement, après avoir parlé des Canadiens, entrons dans le vif du sujet, parlons jeu. Et on va commencer par un sujet qu'on connaît un peu là, pour les nostalgiques de jeux vidéo, un certain Rampage, donc, mais qui s'en vient, qui est maintenant en version board game. Qu'est-ce que Rampage spécifiquement, Chantal? Ben, en fait, Rampage, c'est un jeu de n'importe quoi, donc comme on les aime. Nous, on va incarner des monstres, et le but du jeu, c'est de détruire le plateau. Et quand je dis détruire le plateau, c'est vraiment détruire le plateau, parce qu'il y a des structures sur le plateau, et on est des monstres. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de les détruire pour faire sortir les gens qui sont cachés dans les buildings pour arriver à les manger. Donc, il y a six sortes de meeples, donc six sortes de gens. Il y a la blonde, le journaliste, le businessman, donc qui ont des couleurs. Il y a six catégories de gens. Et pour chaque série de six qu'on réussit à manger, on va récolter 10 points de victoire. On va aussi avoir des bonus si on réussit à attaquer les autres joueurs, les autres monstres, en fait. Si on réussit à les terrasser, on va leur voler une dent. On commence le jeu avec six dents. Donc, à chaque dent qu'on va réussir à arracher lors de combats contre d'autres monstres, ben on va pouvoir aussi aller chercher des points. C'est un jeu qui est excessivement simple, mais on a vraiment une participation physique parce que à notre tour, on peut se déplacer. Bon, ça, c'est plate. On peut essayer de détruire un building, donc vraiment lancer notre monstre sur un building et voir ce qui se passe. On peut attaquer d'autres joueurs en lançant des voitures. Donc, on peut détruire des structures ou attaquer des monstres en leur lançant à l'aide d'une pichenote. On va propulser une voiture sur notre cible et si on réussit à l'atteindre, à ce moment-là, ça peut être payant. Ou on peut aussi souffler sur des gratte-ciels pour essayer de les faire tomber. Puis à ce moment-là, les gens qui sont cachés dedans sont à notre merci. On va pouvoir les manger. Donc, c'est un jeu qui est très, très physique. On va détruire le plateau à la fin de la partie. On va compter nos points. Donc, c'est un peu n'importe quoi. C'est à partir de 8 ans. Et c'est de 2 à 4 joueurs. Et ça dure 30 minutes. 30 minutes de bonheur. Cool. Donc, Rampage. Et là, Rampage. Il y a un matériel là-dedans. C'est complètement fou parce que c'est un plateau en trois dimensions essentiellement parce qu'on va construire des choses, des gratte-ciels, des choses comme ça. Et puis après ça, on les détruit. Ben là, c'est que du gros plaisir. C'est du gros plaisir sale. C'est bon, ça. Grosse boîte remplie de gros matériel sale. Super épais et super solide. Donc, on peut le rejouer. Excellent. Et là, pour les gens qui se demandent à quoi ça ressemble, évidemment, ceux qui suivent la page de Puissance Maximale sur Facebook, j'ai posté un lien avec une petite fiche du jeu avec des images. Donc, vous pouvez avoir ça en complément d'informations. Et je vais faire ça pour les autres jeux que Chantal va nous nommer. Et là, parlant de jeux, on va aller au deuxième, Chantal, et on va aller avec le jeu qui s'appelle Copa. Copa. Ça, Copa, c'est un petit jeu. C'est en fait, le matériel, quand tu regardes, tu fais, ben voyons, là, je suis dans un buffet ou je suis en train de jouer à un jeu. Le matériel, c'est des bols et des fèves blanches. Okay. Et là, on ne joue pas là, aux haricots mexicains, là, comme quand on était petit. Là. C'est vraiment, en fait, c'est quatre jeux dans un. Donc, avec les bols et avec les fèves, on va jouer à quatre jeux possiblement. Donc, on a un jeu de stratégie qui va ressembler au Awali ou au Mancala. Donc, on va mettre nos bols en 4x4 et on va transporter les haricots. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Mancala. C'est un jeu africain. Donc, un petit jeu de stratégie. C'est très, très cute. Ensuite, on va avoir un deuxième jeu qu'on peut jouer qui s'appelle Ronda. Parce que le premier, il s'appelle Kala, donc le la version de la Wally. Le Ronda, c'est un jeu de mémoire. Donc, on va retourner, on va avoir sous les bols 2, 3, 4 haricots. Il va falloir retrouver des paires. On va avoir le jeu Hopper, qui se trouve à être un jeu de dextérité. Donc, on va vouloir récolter des graines, mais il va falloir propulser les graines avant de pouvoir les récolter. Et ensuite, il y a Capot, donc qui se trouve à être un jeu d'enchères où on va essayer de ramasser les 4 bols qui sont face à nous dans notre rangée. Donc, un jeu, 4 jeux en un. Et le matériel est interloquant, c'est ce qui le rend intéressant. Donc, c'est très, très cute. C'est super le fun et c'est disponible présentement. Excellent. Donc, Copa, vous, évidemment, allez voir sur la page. Des beaux, justement, des exemples des petits bols et des fèves dont Chantal nous parle. Et là, t'attends. Oui, c'est beau. Oui, oui, oui. Non, ça a l'air très bien fait. Et là. C'est très cute. Et là, tu veux nous parler aussi d'un jeu qui serait de retour, là, selon ce que tu me dis, Lewis and Clark. Oui, enfin, Lewis and Clark, le jeu d'exploration est de retour, enfin, après mille et une péripéties. Vous savez que les fameux vortex scolaires qui nous ont affectés cette année, ça l'a affecté aussi beaucoup, en fait, l'océan. Les commandes ont été hyper retardées à cause de ces vortex-là, puis on a eu aussi toutes les tempêtes qui ont frappé les maritimes. Ben, c'est dans l'estuaire du Saint-Laurent aussi, ça a beaucoup retardé. Donc, Lewis and Clark y a goûté aussi. Mais là, est revenu. On en avait déjà parlé, je pense, à notre chronique quand on était revenu décembre. Donc, c'est un jeu, là, essentiellement de pousseux de cubes. On va avoir une expédition. On va être un aventurier. Et dans notre expédition, on va avoir des canots. Dans nos canots, on va mettre des Indiens qui vont pouvoir nous aider. On va mettre aussi du matériel, des ressources. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie de déplacer notre camp. Donc, on part de Saint-Louis. On essaie d'arriver les premiers au bout du chemin, finalement. Mais plus on a de stock, plus ça prend du temps. Donc, on va avoir des malus de temps. C'est un jeu de stratégie. C'est pour gens qui sont un petit peu plus expérimentés. Mais c'est vraiment de toute beauté. C'est un jeu magnifique, mais c'est pour les pousseux de cubes. C'est pas très interactif, mais quand même, il faut surveiller ce que les gens font parce que ça peut affecter notre récolte de ressources quand on va choisir de récolter les ressources qui sont disponibles. C'est vraiment très, très, très, très, très, très bien. Personnellement, ça fait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu de ce type qui a vraiment piqué mon intérêt. Il est vraiment très, très élégant. Et là, ça se peut-tu? J'ai vu passer ça sur Internet, là, qu'il y aurait une expansion à Lewis and Clark. Lewis and Clark, il va avoir des cartes de bonus, oui, effectivement, mais j'ai pas encore beaucoup de détails. Okay. Je dois avouer que je me suis pas vraiment renseigné parce que l'éditeur nous contacte quand il y a sa nouveauté. Donc, j'ai fait un peu de paresse sur ce coup-là. Mais bref, à surveiller aussi à ce niveau-là pour les gens qui ont absolument déjà... Absolument à surveiller. Lewis and Clark, c'est un jeu qui va durer plus que 3 mois. C'est un jeu dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Toujours on va encore le retrouver sur les tablettes. Non, mais à surveiller ça, mesdames et messieurs. Lewis and Clark, qui est... Ben là, c'est présentement disponible, là. Tu me dis. Oui, c'est présentement disponible, il est de retour. Good. Et là, prochain jeu, Chantal, on va parler d'un jeu qui s'appelle Rockwell. Ben, Rockwell, on en avait déjà parlé aussi dans notre chronique de retour décembre. Oui. C'est un jeu de gestion de ressources. C'est un auteur québécois qui s'est fait éditer par la boîte Sit Down, qui est un Belge, qui fait des jeux, des gros jeux. C'est un matériel absolument hallucinant. Donc, le but essentiellement, c'est qu'on est une grosse compagnie minière qui veut engager des sous-traitants. Donc, chaque joueur va être un sous-traitant qui essaye de décrocher les contrats. Donc, on va aller miner, faire du forage dans une planète. Et c'est la compagnie qui va faire le mieux, qui va être engagée, qui va décrocher le gros contrat. L'auteur, c'est un gars qui s'appelle Benoît Crépeau. C'est un gars de l'Abitibi. Donc, on comprend pourquoi il y a des mines. Et c'est son premier jeu et on est super content pour lui. Et Sit Down a travaillé avec lui et a sorti un jeu d'une beauté absolument effarante. Le plateau est en forme de planète. C'est génial. Il a l'air très beau. Et la façon dont on va monter le plateau, ça fait que chaque partie va être différente parce que la planète ne sera jamais pareille. Ah, c'est fun. On a un paquet d'actions à faire. C'est vraiment un jeu d'une beauté exceptionnelle, mais vraiment très, très beau. Il a très bien fait. Et finalement, il a fini par arriver. Il a été beaucoup retardé par les vortex polaires et autres choses. Et il est finalement arrivé sur nos tablettes. C'est à voir. Et c'est, je pense que c'est à essayer, en fait. À la revanche, ils vont sûrement l'avoir. Ben oui, mais là, c'est sûr qu'il est certain qu'il va falloir que les gens, de toute façon, vont en parler tantôt et la semaine prochaine. Mais la revanche, là, c'est... En tout cas, selon moi, là, il faut laisser faire les boîtes de nuit là, puis les bars rencontres. Là. Enfin, la revanche, c'est pas mal mieux. Ben, on peut aller à la revanche avant d'aller dans les boîtes de nuit aussi. Ben non, moi, je passerais plus de temps là-bas. Pour qui que ce soit qui s'intéresse un peu au monde des jeux... Ah oui, c'est incontournable à Québec. Dans la région de Québec, en fait, se doit d'aller à la revanche pour essayer un peu et y goûter. C'est un concept extraordinaire. C'est un super bel endroit, puis on a vu que ça fonctionne. En plus, pour qu'on parlait de Rockwell, là, j'ai regardé sur le lien que j'ai envoyé sur la page de Puissance Maximale. Il y a plusieurs images, puis je suis tombé sur l'image d'une figurine d'un minier. De mineurs, en fait, c'est super. Pour le prix, le matériel est absolument extraordinaire. Mais il faut dire que Sit Down Edition, c'est un éditeur qui sort un jeu par année. Donc, okay. Ils prennent vraiment leur temps. Leurs jeux sont absolument toujours les principes, le matériel, le gameplay, tout est là. C'est un jeu par année, mais c'est toujours un bon jeu. Ça vaut la peine de prendre son temps, justement. Absolument. Et là, Chantal, déjà, on passe à un autre jeu. Et là, ça s'appelle Banzai. Et là, tu me mènes dans comme... Ça, c'est le jeu niaiseux de la semaine. Okay. Alors, ça, c'est du 4 à 12 joueurs. Donc, c'est quand t'es une grosse gang, là, autour, justement, dans une boîte de nuit, s'il y a une table assez grande. Et essentiellement, c'est une version 4 de la chaise musicale. À chaque tour, il y a un joueur qui va se faire éliminer. La façon dont ça fonctionne, c'est que tous les joueurs, en même temps, vont toujours passer une carte à leur voisin. Okay. Ce que chaque joueur essaie de faire, c'est de collectionner les 5 cartes de la même couleur pour avoir une famille complète en main. Quand il réussit à avoir 5 cartes de la même couleur, il va crier « Banzai ». Et là, tout le monde abandonne ce qu'ils sont en train de faire et essaie de ramasser un pion qui sont au centre de la table. Mais il y a toujours un pion de moins qu'il n'y a de joueurs. Joueur qui n'a pas réussi à être assez vite pour ramasser un pion va être éliminé. Et c'est de cette façon-là qu'on va éliminer tous les joueurs. Donc, c'est ce qu'on appelle en français un « filler ». Donc, c'est des parties qui sont très, très rapides. Ça va durer une dizaine de minutes et c'est complètement niaiseux parce qu'il y a des règles complémentaires qui vont vraiment te permettre de déplacer les pions, de les cacher, de les mettre plus proche de toi. Et il y a des règles aussi un peu méchantes qui disent, ben si tu te trompes et tu tombais un pion sans faire exprès, ben t'es éliminé. Donc, ça élimine finalement. En fait, ça encourage le déconnage, mais ça élimine les jokes plates. Ah, okay. Donc, c'est vraiment très, très cute. Et il y a tout un paquet de règles complémentaires aussi pour ajouter un petit peu de complexité à un jeu qui est vraiment très, très simple. Donc, on peut jouer avec les enfants et après ça, on peut jouer avec les adultes en utilisant leurs règles un petit peu plus compliquées. Moi, personnellement, j'aime ça quand ça reste un peu niaiseux. Good! Ben ça a l'air de l'être juste c'est, qu'il faut. C'est vraiment niaiseux. C'est la beauté de la chose. C'est tellement simple, mais c'est vraiment le fun. Good. Et là, autre jeu, Chantal. Tu m'as parlé d'un jeu qui s'appelle Last Mouse Lost, c'est ça? Ouais, ben Last Mouse Lost, en fait, c'est comme une espèce de tic-tac-toe, mais ça n'a rien à voir avec une souris, c'est parce que le plateau, on dirait un morceau de fromage avec des trous dedans. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Avec des espèces de trous qu'on va vouloir, quand on va presser dessus, ça va faire comme une dépression. Et le but du jeu, c'est de ne pas être le dernier à avoir une rangée avec un picot qui n'a pas été pesé, si tu veux. J'ai de la misère un peu à l'expliquer parce que c'est tellement niaiseux. C'est le genre de petit jeu, en fait, que tu vas garder sur ton bureau et quand quelqu'un va venir te voir, vous allez faire une petite partie, ça dure une minute. Okay. Mais c'est vraiment le principe du tic-tac-toe. C'est juste que le matériel est un petit peu plus le fun, un petit peu plus ben en fait, c'est très, très tactile. À tour de rôle, les joueurs vont appuyer sur autant de souris, finalement, qu'il y a dans la rangée, autant qu'ils veulent. Et c'est juste qu'il faut pas que le dernier... Il faut pas se retrouver être le dernier avec une souris qui a pas été appuyée dessus. J'ai un peu de difficulté à l'expliquer, mais je vous en enverrai un et vous allez pouvoir le voir. On pourrait tester ça puis faire tester ça à nos auditeurs. Là, parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs là, qui viennent directement à l'émission pour nous jaser en studio. C'est fabuleux, mais Last Mouse Lost, vous pouvez voir des images sur le site de Foxmine. Oui, ben c'est ça. Je suis en train de... Je viens de trouver l'adresse. Là, je vais poster ça sur le site. Génial. Comme ça, les gens vont pouvoir le voir. Ça va être un petit peu plus clair que mon espèce de... d'explication qui marche pas. Voilà, c'est fait, Chantal, directement sur le site, sur la page Facebook, en fait, de Puissance Maximum. Et là, tu vas nous parler d'un jeu qu'on connaît le titre, mais là, on connaît peut-être pas la version board game, le jeu Civilization. Civilization. Ben, Civilization, c'est la transposition du jeu vidéo en jeu de plateau. La transposition a été faite avec énormément de succès. C'est par qui d'autre, mais voyons donc, les champions du jeu vidéo sur plateau, Fantasy Flight. Fantasy Flight, évidemment, est un partenaire privilégié de Edge en France qui s'occupe des traductions françaises. Donc, on sait que le produit va être de qualité. Ils prennent leur temps pour faire les jeux, pour les traductions. Ils sont extrêmement bien faites. C'est du français international. Et il y a toujours un matériel qui est très, très, très généreux. La nouvelle extension s'appelle Sagesse et Stratégie. Et pourquoi Sagesse et Stratégie? Mais c'est parce que ça introduit des nouvelles cartes, des cartes d'unités de remplacement qui sont optionnelles, qui apportent au jeu un niveau de tactique supplémentaire. On va aussi tenir compte dans nos combats des blessures qui ont été prises par nos unités. Donc, au niveau du calcul des forces, ça complique un peu les affaires. Il y a aussi l'introduction de cartes doctrine. Donc, notre civilisation, elle peut devenir pacifiste, par exemple. Okay. Elle peut devenir expansionniste. Elle peut avoir une religion. Donc, par exemple, si ma civilisation adopte le rationalisme comme doctrine, ben à ce moment-là, ça va diminuer le coût d'apprentissage des nouvelles technologies. Donc, je vais avoir un edge par rapport à ça. Donc, ça va introduire une nouvelle dynamique aussi à l'intérieur de ma civilisation. Donc, on peut vraiment aller chercher beaucoup avec cette extension. On n'est pas obligé d'utiliser non plus tout le matériel. On peut utiliser un petit peu de celle-là, un petit peu de la première extension. On peut vraiment là faire le jeu comme on veut. C'est vraiment nous qui choisissons sur mesure la partie qu'on va vouloir faire. Excellent. Mais là, évidemment, là, pour les amateurs du jeu vidéo, c'est un incontournable. La plupart des gens que je connais qui ont aimé la version vidéoludique là, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la version jeu de plateau. Donc, c'est à... Oui, ils ont vraiment très, très, très, très, très, très bien réussi la transposition au jeu de plateau. Puis avec les fins alternatives aussi, ça rend le jeu plus intéressant parce que plusieurs façons de terminer la partie. Les pyramides de technologie aussi, c'est beaucoup plus rapide. Donc, en fait, au lieu de jouer pendant 5 heures et d'avoir seulement comme d'être un peu énervé dans la 6e heure, on se retrouve avec un jeu qui devient intense beaucoup plus rapidement. Okay. Et des fins de partie qui arrivent beaucoup plus rapidement aussi. C'est vraiment de toute beauté, ce jeu-là. Donc, aller chercher aussi sur les tablettes. Et finalement, Chantal, un dernier jeu. Un que tu as failli oublier, d'ailleurs, là, quand on s'est contacté aujourd'hui, là, le jeu Bauhaus. Ben, en fait, oui, j'ai failli l'oublier. C'est un jeu qui s'appelle Bauhaus. Bauhaus, comme l'espèce de... comme l'architecte allemand là, qui a vraiment introduit le minimalisme au niveau de l'architecture. Et la boîte de Bauhaus reflète exactement ça. C'est une boîte qui ne dit absolument rien. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'à l'intérieur de cette boîte, qui ne dit absolument rien, c'est une belle boîte beige. Oui. Avec zéro, avec rien. Il n'y a pas d'illustration du jeu. C'est hyper minimaliste. Ouais. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a un jeu absolument génial. C'est un jeu de territoire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer des petits territoires avec des bâtons. Donc, on va piger une carte. On va choisir une carte d'action. Il y a toujours 4 cartes d'action qui sont disponibles. On va choisir la carte et on va faire l'action. Donc, on peut déplacer nos marqueurs, on peut introduire un nouveau marqueur, on peut placer des bâtons sur le plateau, on peut déplacer des bâtons, on peut enlever des marqueurs ou les adverses. On a des choses qu'on peut faire, mais on va toujours choisir parmi les quatre cartes d'action qui sont disponibles sur le plateau, sur la table. Donc, tout le monde, on va jouer sur le même plateau. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un marqueur qui va se retrouver à l'intérieur d'une zone qui est délimitée de tous les côtés par les bâtons. Et on va récolter autant de points de victoire qu'il y a de cases à l'intérieur de notre petit enclos qui est délimité par les bâtons. C'est un jeu vraiment tactique. C'est pour les gens qui sont d'amateurs d'Abalone, par exemple, les amateurs de Blocus, okay, vont beaucoup aimer ça. C'est un genre de jeu de territoire de ce type, extrêmement facile, ça s'explique en 30 secondes, et c'est vraiment génial. Notre cerveau travaille tout le temps. Et c'est ce qui est vraiment le fun. C'est des parties qui sont très courtes. C'est un 2 à 4 joueurs. Okay. Et c'est des parties qui vont durer environ 20 minutes. C'est vraiment, vraiment bien. Et malheureusement, parce que la boîte est aussi minimaliste, on passe à côté sans la regarder. Mais c'est une erreur. C'est un jeu vraiment superbe. Donc, allez vous procurer, si vous êtes amateur justement de jeux à la Blocus, là, Bauhaus, vous avez trouvé la boîte beige. Je l'ai mis également, comme les autres jeux, là, sur la page Facebook. Trouver la boîte beige avec la ligne rouge. Non, c'est ça, c'est pas trop compliqué. Et courage, l'intérieur de la boîte est aussi drabe, mais c'est un jeu, c'est vraiment très, très bien. Donc, allez vous chercher ça également, Bauhaus. Écoute, Chantal, encore une grosse chronique avec toi. Plein, plein, plein de beaux jeux, de belles suggestions. Je te remercie beaucoup de nous avoir contactés et d'avoir passé ces quelques minutes ensemble pour parler jeux. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Au mois prochain. Yes, au mois prochain. Merci. Bye-bye. Et là, mesdames et messieurs, après Chantal, on retourne en musique et on s'en va bouger un peu avec la gang de Flogging Molly et Drunken Lullabies, direct dans vos oreilles à CJMD FM 96.9 à Lévis. Cross we die, forgotten freedom burns. As the shepherd vraiment heureux. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale après Flooding Molly et Drunken Lullabies. On a entendu Chantal nous parler de jeu et maintenant, il est temps de faire un retour, M. Castegan, sur l'événement Nadeshikon qui s'est passé la fin de semaine passée à l'Université Laval à Québec. On vous rappelle que Nadeshikon, c'est une convention geek basée... Et socioculturelle japonaise. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, qui porte pas mal 50-50. Là, 50% sur la pop culture japonaise au niveau du manga puis de l'anime et aussi de la culture japonaise où on parle d'arts martiaux. Entre autres, on parle de... Cérémonie du thé, de la bouffe, littérature. Des tambours. Oui, ça, c'était vraiment... Que je me rappelle plus c'est quoi le nom. Enfin, c'est un nom, mais des tambours. Je pense que c'est taiko. Ouais, c'est ouais, ça. Voilà. Donc, il y avait ça, entre autres. T'es tellement cultivé. On dit culturé. Non. Je sais, c'était voulu. Non, c'est cultivé qu'il faut dire. Je t'ai eu! Oh non! Je t'ai eu! Oh non! j'ai tombé dans le panneau. Et voilà. Donc, oui, c'est ça. On a passé notre fin de semaine là-bas, en fait. On est arrivé samedi midi environ. On a passé, pas toute la journée parce qu'on est allé voir Michel. On n'est pas arrivé plus de bonne heure que ça samedi. On n'était pas arrivé à 11h30. Ben, 11h30 midi, là, aux alentours de ça. Non, moi j'aime ça être précis. Précis dans mes dates. Et voilà, et là, on est arrivé là-bas, et il faut dire que moi et Andrew, on était allés à cet événement-là, il y a une couple d'années. Toi, v'là 3 ans, moi, v'là 4 ans. Ouais, j'avais aidé, entre autres, les deux premières années, sur le plancher, en tant que bénévole. Et moi, j'avais fait des panels. C'est ça. Puis, j'ai fait un panel aussi, je pense. Puis, moi, j'en ai fait deux, de mémoire. On n'était pas retourné et là, puis à l'époque, le gros problème qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il manquait de gens sur le plancher. Ça, c'est un problème constant dans toutes les conventions. Il manquait un petit peu d'organisation et de... logistique. De ligne directrice au festival, en fait. Parce que là, on sentait qu'ils savaient pas trop où est-ce qu'ils voulaient s'en aller avec leur contenu. Et là, je dois dire que j'ai été étonné cette année. J'ai été pas surpris, mais disons, j'étais bien content de voir ce que c'était devenu, en fait. Une vision, selon moi, avec la programmation qui a été amenée, quand même une vision claire. On y va dans le culturel. Le côté culturel japonais est vraiment présent. Autant au niveau du contenu, là, les panels, les ateliers qui sont proposés, activités et autres, que même la bouffe qui est disponible. On avait la gang de Fanamanga, d'ailleurs. Chapeau. Salutations à nos amis du Fanamanga qui ont couru une pas pire shot samedi et dimanche aussi, là, au niveau de la bouffe. Je répète, chapeau. Ouais, c'était vraiment... Je n'ai rien d'autre à dire... Des nouilles avec plein d'épices et plein de viande, moins 50. Non, c'est ça. Donc, on avait possibilité d'avoir des yakisoba, donc un genre de plat de ramen, mais pas de bouillon. À l'intérieur duquel on met des légumes déshydratés, vous avez des épices, de la sauce, même une petite mayonnaise moutarde. Excellente la mayo moutarde, ouais, d'ailleurs. Je l'ai essayé la deuxième fois. Puis là, on avait la possibilité de mettre des viandes dedans, donc c'était super bon. Et les très excellents onigiri. Donc, on vous rappelle, c'est quoi un onigiri? C'est une boule de riz farcie. Avec, il peut avoir saumon fromage. Bacon et oignon, ouais. Confit pour toi. Ouais, j'avais essayé ça, c'était pas mauvais du tout. On avait le porc aussi, il y avait du thon, il y avait plein, il y avait vraiment une grosse variété. Et là, tout ça s'est entouré d'algues, le même genre d'algues que vous mangez. Sur des sushis, voilà. Il y a juste Michael qui mange pas l'algue. Non, c'est ça, je trippe pas tant que ça. On a la possibilité d'enlever le papier puis de manger juste le riz. Fait que moi, chaque fois qu'il fait ça, je le regarde et je le juge. Voilà, tu me méprises comme la plupart des gens sur place quand ils me voient faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'assume. Donc, on avait tout ça. On avait des sushis qui étaient offerts aussi par une autre gang un peu plus loin là sur le plancher. Ce qui m'amène à un point qui est un point négatif, mais que malheureusement, ils pourront pas régler. Que le festival ne pourra pas régler parce que tant qu'ils vont rester à l'Université Laval, ça sera un problème, c'est les Christie de locaux. Moi, je m'y suis retrouvé parce que je connais l'endroit. J'ai étudié à l'Université Laval pendant 4 ans. Et moi, je regardais Mike à chaque fois, je disais, c'est où qu'on va? C'est ça. Donc, moi, je connaissais le pavillon pas pire, puis pour avoir organisé des trucs là-bas aussi. Donc là, je me retrouvais quand même, mais il y a, disons que c'est très éparpillé. Malheureusement, c'est difficile d'avoir des locaux tous un à côté de l'autre. Pour ce genre d'activité-là, au Desjardins, au pavillon Desjardins, Maurice Pollack. Donc là, ça cause un problème au niveau... Puis même si on met de la signalisation, il faudrait que les panneaux soient des 20 par 40 pour qu'on voie de quoi. Il faudrait que le monde arrête de les jeter à terre. Ouais, aussi, ou qu'ils ramassent, en tout cas, quand ils tombent à terre. Donc là, ça, c'est un problème qui est assez plate. Puis là, il y a des gens, entre autres, là, qui en ont souffert, pour nommer justement le groupe de qui faisait des démonstrations d'arts martiaux. D'ailleurs, que je tenais à dire que c'était comme j'étais comme un peu déçu qu'ils aient mis vraiment tôt le matin. Parce que le problème, le matin, ça ouvrait à 10h. Ça ouvrait pas si tôt que ça. Ça, habituellement, j'ai vu des festivals qui ouvraient avant ça, mais 10h, c'est bien. J'ai animé, ou pas à 9h? Ouais, à 9h. Il me semble qu'il ouvre à 9h, j'ai animé. Il y a bien des places qui ouvrent à 9h, en fait. Puis là, là, on commence à 10h, ce qui est pas pire, là, c'est pas un problème en tant que tel. Mais c'est parce que quand, il faut comprendre que quand un festival ouvre les portes, les gens arrivent tranquillement. Dans le cas du dimanche, le samedi, il peut y avoir des files d'attente, mais justement, c'est des files d'attente, les gens sont pas sur le plancher pour profiter des activités. Donc là, au lieu d'ouvrir la billetterie un peu à l'avance, ben ça part tout en même temps. Et là, ce que ça fait, c'est que des gens comme il y avait 4 ou 5 clubs d'arts martiaux de Québec qui présentaient des démonstrations, puis là, il y avait personne, ou à peu près personne. Le samedi, il y avait un peu plus de monde à ce qu'on m'a dit le dimanche. Mais c'est plate parce que c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai assisté le dimanche. On avait club de Kenjutsu qui présentait un différent style. Club de Shinkendo. On avait de l'Aïkido. On avait une école avec plusieurs styles d'arts martiaux. Parce que Kenjutsu, c'est vraiment du sabre. Même chose pour le Shinkendo. L'Aïkido, il présentait des trucs au sabre aussi avec d'autres styles d'armes, mais principalement le sabre. Ils se sont concentrés là-dessus pour la démonstration qu'ils donnaient pour le festival. Il y avait, c'est l'Académie d'arts martiaux de Québec, où il y avait du karaté, il y avait des arts martiaux chinois également. Et il y avait la gang du Yaido Québec, qui était, eux sont à Beauport, en fait. Donc, on avait vraiment une belle panoplie de sensei qui expliquaient leurs écoles avec les philosophies, les maniements du sabre japonais, qui étaient vraiment diversifié, c'était vraiment intéressant. Malheureusement, pas plus populaire que ça, à cause, selon moi, de l'emplacement qui était une salle au 4e étage, seulement accessible par l'ascenseur, ce qui n'était pas indiqué du tout sur place, et aussi l'heure. Donc ça, c'est un gros bémol que je trouve, parce que ça, c'est une activité phare dans ce genre de convention-là. C'est faire découvrir les arts martiaux comme ils sont, en fait, aux gens qui pensent qu'avec un sabre japonais, on peut couper des poutres de métal, là, des trucs du genre. Ouais, ben c'est ça, je m'en vais tester, moi. Non, c'est ça. Bon, ben, tu vas être déçu. Mais en fait, c'est ça. Je vais essayer de couper des poutres de métal avec un bokken. Ouais, bon plan. Mais non, c'est ça. J'ai trouvé ça dommage. Et je suis pas mal certain que c'est pas la seule activité qui a souffert de ce problème-là à l'université. C'est pas... Ce que je trouve plate un peu, c'est la décision de l'organisation de mettre ça à ces heures-là. Puis peut-être au local, j'aurais tant préféré ça, voir ça à l'Atrium. Il y a une année où ils l'avaient fait à l'Atrium. Ouais, j'ai parlé à certains sensei, puis ils m'ont dit que c'est pas tant l'endroit le problème, que des fois c'est les gens. Tu sais, il faut dire que les conventions, souvent, les publics sont un peu jeunes, puis ça manquait un peu de respect et de décorum face à ce qui se passait, puis je peux les comprendre. Mais c'est plate un peu parce que ce que ça fait, c'est que ça leur enlève des gens qui seraient intéressés pour vrai. Donc, à ce moment-là... Mais bon, c'est une chose parmi tant d'autres. Là. Gros point positif, l'orchestre de jeux vidéo qui était là en format 15 musiciens. On les a vus, moi, pied droit, en 50, là, orchestre complet. Intéressant, ils sont toujours aussi bons. Vous remarquerez mon son de voix, c'est que moi j'ai pas pu aller les voir. Non, c'est ça, le droit était pas présent. Mais non, c'est ça, au niveau des musiciens, c'était bon. Les musiciens sont toujours aussi bons. La sélection, pour l'avoir vu 2 fois en convention, j'ai l'impression qu'ils ont comme un setlist, une sélection de chansons, de pièces en fait. J'ai l'impression qu'ils jouent plus ou moins tout le temps la même chose en convention avec quelques changements. Je m'attendais peut-être à une autre sélection vu qu'il était 15. Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça un petit... Ben, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui les ont pas vus ailleurs, donc ils verront pas cette différence-là. Mais à 15, c'est très bon, pareil. Mais j'avoue qu'à 50, c'est un autre game, là. Ça, je l'avoue. Mais c'est un... Puis, j'avais peur au début parce qu'il avait mis ça tard un peu, 9h le soir. Finalement, la salle était complète. Non, j'en doute même pas. C'était pas un problème. Donc, à ce niveau-là, beau choix d'activité. Je veux saluer la présence des gens du Pub La Revanche. Ben oui. On est allé là, on est allé voir Danny, oui. On est allé voir Louis-Étienne dégagner notre prochain chroniqueur. On là. A joué à des jeux. On a joué à des jeux, on a joué à Passe-Trap. J'ai passé la majeure partie de ma fin de semaine là-bas, en fait. Ouais, on a joué à Passe-Trap. Andrew m'a sacré une volée assez monumentale. Oui, j'ai même essayé de me battre contre Louis-Étienne à Passe-Trap. Et s'il joue avec ses deux mains, il me bat. Et s'il joue avec une main, je le bats. Donc, voilà. Parce donc, que ça veut dire que je suis pas mauvais non, à passe-trap. Non, t'es pas mauvais du tout. On a joué à l'excellent, selon moi, King of Tokyo. On a parlé de ce jeu-là en 2011 à l'émission. C'est un jeu qui date un peu, mais excellent. On est des monstres qui attaquent Tokyo, mais qui s'attaquent entre nous. Et on se promène de Tokyo à... on se promène... C'est vraiment... On a des pouvoirs pour attaquer les autres. C'est le dernier qui survit ou le premier qui obtient 20 points de victoire. C'est vraiment, vraiment le fun. D'ailleurs, ça, c'est dans ma liste d'achat de jeux prochainement que je veux me procurer. On a joué au jeu Timeline aussi, où on sort des... Je suis pas bon à ce jeu-là. On sort des inventions ou des concepts. En tout cas, il y en a comme 5 versions de jeu-là. De mémoire, oui, il y en a 5. Puis là, on avait les inventions, puis il faut les placer sur une ligne du temps. Donc, on place une première carte, disons le téléphone, avec la date, puis après ça, il faut placer... L'année. Oui, c'est ça, l'année. Et là, après ça, les autres qu'on va piger, ben, il faut les placer par rapport au téléphone. Et des autres qu'on place au fur et à mesure. Ça peut être assez compliqué à la fin. Puis c'est si le dernier qui a fini ses cartes qui gagne. Si vous vous sentez extrême, selon Danny et Louis-Étienne, les 5 jeux peuvent être mélangés. Donc, ouais. Ben, c'est vraiment le fun pour le coco, par exemple. On fait, ah, ouais, ça a été inventé avant telle chose. Puis non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais. J'avais jamais joué. J'étais curieux. Puis, j'ai découvert que j'étais pas bon. Mais c'était quand même très divertissant. Mais c'est vraiment le fun. Sinon, après les gens de la revanche, les gens de la planque, bien évidemment. La planque jeux vidéo à Québec, beau, super magasin. On en a appris des choses sur le Warp Zone, pareil, pendant cette fin de semaine. Oui, ben ça c'était comme un mini Warp Zone. Puis là, ben il y avait Jessica de la planque qui était là avec toute sa gang. Puis on a profité pour jouer un peu, pour parler avec elle et tout. C'est que encore une fois une belle participation. Ils m'ont même donné des informations sur mon Super Famicom en japonais. Oui, c'est ça, parce que toi tu t'es procuré ça, toi, cette console là sur eBay. Puis là, parce que toi t'as pas le fil de courant. Non, ben c'est ça. Puis les gens de la planque, c'est des fins connaisseurs, c'est des collectionneurs, et ça donne qu'il y a un expert là-bas sur les consoles japonaises et les jeux importés. Donc j'y ai posé ma question, et il m'a répondu en un claquement de Power Glove. Ah ouais. Car il avait un Power Glove. Et voilà. Et voilà, j'ai ma réponse. Maintenant, je sais qu'est-ce que je dois faire et rendre le tout fonctionnel. Fait qu'en plus, si vous êtes intéressé par des bons produits au niveau des jeux vidéo, allez voir les gens de la planque. Puis si vous avez des conseils à leur demander, ben, faites-le par la même occasion. Vous pouvez même leur poser par la page Facebook. Oui, par Facebook. Ils sont aussi très actifs. Voilà. Puis là, c'est ça, avec Nadeshikon, c'était une belle addition. C'est que si on avait un temps mort, on pouvait aller jouer. Il y avait du rétro, il y avait du... J'ai joué au Tortue Ninja. Oui, l'arcade game sur NES. Je me suis fait casser la gueule à Mario Kart 64 par Luduc. Oui. Ouais, oui, d'ailleurs, on a rencontré Luduc. Il y a des choses qui se préparent, surveiller pour GeekFest ouais, Québec. Ça, on va en parler tantôt après. Non, c'est ça. Il y a un uluberlu, un psychopathe là, qui a fait des choses. Non, c'est ça. Et là, tout plein d'activités finalement dans les chicanes. Donc, en gros, on a aimé ça. On a aimé notre fin de semaine, Andrew, je pense bien. Ben, en fait, moi, pour dire mon opinion, c'est que c'est une convention intermédiaire au niveau... Ben, je parle en fait de grosseur, là. C'est pas une grosse convention comme Anime North, là, on s'entend. Non. C'est une consommation intermédiaire. Ouh, la semaine était longue. On est juste mercredi. Arrête donc de briser mes rêves. Mais c'est une convention intermédiaire culturelle et animée sur le Japon, mais en même temps avec une programmation rappelant les codes Nobaka. Dans le principe qu'il n'y a pas trop de grosses activités qui se chevauchent, t'es pas vraiment stressé. Non, c'est ça. Tu peux te promener dans la convention, puis tu peux être chillax, tu peux aller te promener, t'as beaucoup de zones de détente avec des activités en continu. Un peu comme, dans le fond, ça me faisait penser à un Pacon Bravo. Pacon Bravo, t'as plein de zones où tu peux relaxer. T'as un temps mort, ben tu vas à telle place, c'est sûr que t'as quelque chose à faire. À l'Atrium, entre autres, il y avait soit des animations, dont les tambours, ça c'était super intéressant. C'est ça, exactement. Puis tu sais, au pire aller, ah, crime, j'ai 2 heures de temps de libre. C'est une des rares conventions que, sérieusement, hey, j'ai 2 heures avant qu'il se passe de quoi. On va-tu voir la revanche? Ben oui, on va s'asseoir. De quelque chose. On va s'asseoir. Il y avait du monde là qui gérait, il y avait du monde qui avait du temps de présenter le jeu, tout ça. Parce que la convention n'est pas rendue à une étape où il y a tellement de monde que les animateurs de salle. Sont pas capables c'est de ça. T'aider. Parce que tu sais, je sais qu'il y a des conventions plus grosses, comme exemple, j'ai animé, tout ça, ils en ont des animateurs, mais il y a tellement de monde. Oui, la salle de jeu à Janimé, c'est aucune ça. Commune mesure avec bien des affaires que j'ai vues. Fait que là, Nadeshikon, c'était juste dans le bon nombre, ouais. Là, dans le juste milieu. Le samedi, il y avait pas mal de monde, mais là, critique que je voulais faire. Ça, par exemple, la salle marchande. Ah, oui. Trop tassée. Selon moi, trop de marchands. Ce qui fait que moi, j'ai évité des tables d'artisans parce qu'il y avait trop de monde. J'y suis souvent pas retourné. Surtout que je pense qu'il y avait un creeper qui se promenait dans cette salle-là, puis il a passé la fin de semaine à se promener. Ouais, c'est ça. Il était super beau, le cosplay, là, mais je veux dire... Tu prends de la place, dude, tasse-toi. Puis là, les allées étaient vraiment pas larges. Fait que moi, à chaque fois que j'arrêtais, je me sentais mal de regarder puis de prendre mon temps parce qu'il y avait d'autres mondes qui voulaient passer. Fait que moi, je bougeais. Puis, fait que là, je pense que, sérieusement, des fois, faut privilégier le fait que nos festivaliers veulent de la place pour bouger puis pour magasiner. La salle marchande, c'est. Seulement, il y a pas mal tout le temps du monde là, ben c'est pas pour rien. D'ailleurs, je salue notre ami Pink Vivi qui était sur place, Véronique, qui nous a remis des petits sacs avec des petits produits là, comme ça qu'elle vous offre gentiment. Auditeur de Puissance Maximale, on va vous faire tirer ça à l'occasion. On vous garde ça tranquillement la semaine prochaine. Je vous dis ça, là, comme ça. Là. Surveillez la page de Puissance Maximale la semaine prochaine, puis écoutez l'émission. Je vous dis ça comme ça. Comme ça. Là. Ah, nous autres. On a une plug. Je vous dis ça comme ça. On a des sources. Voilà. Donc, si ça vous tente de gagner des trucs, Puissance Maximale, semaine prochaine, page Facebook. Surveillez ça. Bon, le message est passé. Bref, on a des chicanes, du plaisir. Pas trop, on n'était pas en train de courir partout, mais pour les gens qui s'intéressent au... c'est sûr que là, si vous intéressez à la culture japonaise, attendez-vous pas à avoir des choses super exhaustives, là. C'est des petits ateliers, c'est souvent donné par les festivaliers, mais ça vaut la peine. C'est un bel endroit d'échange, en fait. Je pense que ça résume bien ma pensée. Bel endroit d'échange. Dans le fond, moi, je vais résumer comme ça. Événement plaisant, pas parfait, mais quand même en contrôle de la situation, malgré les défauts. Et beaucoup, certains éléments, évidemment, des défauts en question sont hors de leur contrôle, mais gèrent quand même bien la situation. Ouais, ouais. Et ça n'a pas été désagréable dans le principe que, tu sais, même oui, il y avait des défauts, on faisait bon, ok, c'est plate un peu, mais tu sais, on n'était pas comme, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de bug majeur. C'est ça, tu sais, il y avait des petites affaires qu'on vivait très bien, il y a des affaires qu'ils ne peuvent pas régler, il y a des affaires qu'ils peuvent régler, mais somme toute, c'est versus, là, 4 ans. Ah non, ça n'a aucune commune. Ça a énormément évolué. Oh, oui. Puis à mon opinion, pour le mieux. Puis j'espère qu'ils vont continuer avec la même ligne directrice, parce que c'est un festival que s'il continue comme ça, ça peut quand même devenir quelque chose. Au niveau, moi, c'est vraiment le niveau culturel, parce que, tu sais, l'animé, tout ça, moi, tu sais, on voit ça ailleurs. Ben, c'est leur petite signature que les autres ont pas. C'est ça. Ben, en fait, moi, étant, je pense que c'est moi, l'animé, et le manga m'ont amené à la culture japonaise, puis moi, je suis rendu à ce niveau-là. C'est que je suis bien content d'avoir un festival qui fait cette promotion-là de cette culture qui est si, si intéressante et qui va au-delà du manga et de l'anime. Moi, je peux-tu faire mes deux parenthèses? Ben oui, vas-y. Il y a eu un événement au niveau de l'Atrium, Nadeshikon. Il y aurait un personnificateur de ma personne... En plus diabolique, comment qu'on fait pour le reconnaître? Il est identique à moi, mais il porte un gant en cuir et une cape. T'es comme tout méchant, personnificateur. C'était pas du tout moi. Moi, je suis un être pacifique qui aurait lancé un duel à mort, à Luduc, au sabre laser, dans l'arène de Geekfest Québec. Ben, on rappelle qu'à Geekfest Québec, cet été au mois de juillet, il y aurait une arène de gladiateurs. Exactement, et... Heureusement, Luduc, avec sa caméraman, a réussi à filmer cette scène. Et ça fait référence à aussi des assimilations de personnalités lors de Geekfest Montréal, voilà, l'année passée. Donc, bref, une saga. Là. Une saga, là. Restez à l'affût de la page de Luduc et de Puissance Maximale. D'ailleurs, allez aimer... devenez ami avec Luduc, en fait. Oui, un YouTuber québécois qu'on rencontre. Et aimer sa page YouTube. Oui. Et quand que ça sera dévoilé, ce vidéo-là, ben on pourra vous donner plus de détails sur la chose et qu'est-ce qui va se passer. Mais bref, ça va être un événement à surveiller. Et on va poursuivre notre enquête Puissance Maximale à savoir qui est cet individu lugubre. Un certain A. Castegan ou un certain Andrew C. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra on va le voir. On analysera l'ADN du vidéo. Et voilà. Et le deuxième point que je voulais dire. D'ailleurs, j'ai un blanc. Ben, bravo, Andrew. J'ai fait trop de... Trop de disparages autour de tes niaiseries. Oui, effectivement. Bon, ben, regarde. Ce qu'on va faire, Andrew, on va partir en pause musicale doublée pour la première heure de Puissance Maximale qui est maintenant terminée, puis on reviendra en nouvelles, entre autres, avec peut-être ton truc que tu vas revenir, qui va te revenir en tête. Donc, on vous envoie les chansons Walter Diley de Arm Cannon, qui est une reprise, évidemment, des chansons de Megaman, et aussi Trust de Megadeth, parce que Andrew m'a proposé ça. Effectivement, bonne chanson. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Pop radio station. Come get some. Here to rock and roll and chew bubble gum. And I'm all out of gum. I'm a sailor of pain, and I lost my leg. Climbing up the top sails, I lost my leg. Dear God, I know you'll never let her go. She's a lightning bolt, lightning bolt. 96.9. I am feeling CJMD 96.9, la gauche et la droite, c'est des directions. Nos animateurs n'interviennent pas dans les médias de masse. Nous ne sommes affiliés à aucun parti politique. CJMD 96.9, intellectuellement libre. Rock and Hip Hop Radio Station. Come get some. Pajitna. I am creator of Tetris and you are listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu tout plein de bonne musique. Walk Through Diary de Arm Cannon et on vient tout juste d'entendre Trust de Megadeth. Et là, on s'en va en nouvelle, mais on a des petits détails en fait à propos de Nadishkon et d'un autre truc où on est allé vendredi passé. À Nadishkon, on vient de parler qu'il y avait Putré Fashion, qu'il y avait un défilé de mode, mon cher Andrew. Oui, exactement. Puis je voulais faire un clin d'œil parce que... Mon Dieu, quel défilé de mode. Ouais, ben Isabelle Drolet qu'on est allé voir à sa boutique Malice aux Merveilles à l'ouverture au mois de février, qui sont dans les mêmes locaux que Fanamanga. Là, elle faisait un défilé et c'était très cool. Le linge était magnifique. Encore une fois, les vêtements, là... On a même eu le droit à un petit numéro de danse. Oui, oui, oui, avec notre amie Sabrina des Geeks Contre-Attaque, celle qui dansait furieusement, là, comme ça. Avec, elle était fâchée. Elle était fâchée, non, non. Avec beaucoup d'énergie et de fougue. C'était super bon, sans farce. Et encore une fois, ça, les vêtements. Je suis pas un gars qui check beaucoup, beaucoup la mode, là, mais ce genre de vêtements-là, j'aime beaucoup. On vous rappelle le style gothique avec des inspirations rockabilly, même des trucs style victorien. Non, c'est vraiment beau. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et Isabelle, ça, ils ont monté un super défilé. Encore une fois, Monsieur Castegan. Oui, puis en même temps, je vais juste faire un petit parallèle. En même temps, ça va permettre aux gens, là, quand on parlait là, de Luduc, là. Oui. Dans le fond, il y a une nouvelle là, qui vient de tomber là, sur notre ami Luduc. Il vient de sortir un fait à propos de sa relation avec Megan Fox, parce que vous saviez, Luduc est en relation avec... Ah, je peux pas partager. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un fait qui est tombé. La relation avec Megan Fox de Luduc est une invention de toute pièce. Ah, mon Dieu. Qui l'eût cru? Hein? Qui l'eût cru? Mais je peux pas le partager, malheureusement. Malheureusement. Sinon, vendredi passé, moi, Pienneau, on a eu la chance de se rendre au lancement du nouveau roman de Monsieur Guy Bergeron. Guy Bergeron, on avait déjà reçu à l'émission, qui était venu nous parler de... J'essaie de me rappeler du livre dont il nous avait parlé. Fils de Troie. Non, pas vendredi passé. La dernière fois qu'il était venu à l'émission, c'était... Les légendes d'Arémis... Ouais, t'as de la misère toi aussi. C'est sur un de ses derniers. Google s'impose. Dans finalement son monde d'Heroic Fantasy qu'il a conçu, c'était le dernier roman qu'il avait sorti. Puis j'avais beaucoup beaucoup apprécié le roman. Et là, il va ailleurs finalement. Il est sorti un livre qui s'appelle Fils de Troie, comme Andrew a dit, qui va revisiter l'Iliade et les prochains livres vont aller revisiter entre autres aussi l'Odyssée, deux textes fondateurs dans la littérature mondiale qui date en fait du 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Et les événements, ça serait passé en 1200 avant Jésus-Christ. Donc, vous vous rappelez, la plupart des gens connaissent l'Iliade. Donc, on parle de Achille, de la guerre de Troie, entre autres, Hélène, Paris, Agamemnon et toute cette joyeuse ribambelle de héros grecs se battant contre Paris, Priam et Hector, les Troyens, entre autres, et les dieux qui sont là-dedans. Donc, il y a une petite réécriture à sa sauce. Légende d'Arménisme, les âmes perdues. Oui, et il y avait aussi celui avec le dragon que j'avais lu qui est excellent. Aussi. Cœur de givre. Cœur de givre qui est excellent également. Je ne me rappelle pas s'il était venu nous parler de cœur de givre les âmes. C'est de cœur de givre qui était venu nous parler. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, pour les Fils de Troie, comme j'ai dit, réécriture à la sauce Bergeron sur le mythe, l'histoire de la guerre de Troie et ça en viendra aussi l'Odyssée, donc le voyage de retour d'Ulysse vers son Ithaque adoré. On est allé voir ça, j'ai hâte de le lire, j'ai ça dans mes affaires. J'ai commencé un peu. J'ai puis qu'à date, ça ressemble. À date, non, c'est très bien. On reconnaît l'écriture de Guy. Sauf que ça se passe pas dans son royaume inventé pour les romans d'Arménis. C'est une vraie histoire. C'est les contes de l'Iliade. L'Iliade, ça s'appelle dans le fond. Là. Oui, oui. C'est juste à sa sauce. Là. Mais non, à date, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte parce que moi, comme j'ai dit à Guy, moi, j'ai un bac en littérature. Études anciennes, en concentration études anciennes, donc j'ai beaucoup, beaucoup étudié ces textes-là, et j'adore les réécritures de ce genre de textes mythologiques, textes fondateurs de la littérature, donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Donc on est allé voir Guy, et on va recevoir M. Bergeron la semaine prochaine à Puissance Maximale, donc soyez à l'écoute la semaine prochaine, il devrait être le premier invité de l'émission, donc voilà. Ouais, mais qui va être le deuxième invité, Michael? On ne l'a pas dit! Ben je sais pas qui sera le deuxième invité, mais je sais qui sera le dernier invité de cette émission-là, c'est M. Étienne Dez, si je me rappelle bien. Va te valider ça. Auteur du webcomic Frivolesque, que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, tu peux Étienne Dez Désilé Trempe. Donc, tu pourrais. Je vais ajouter comme mon ami d'ailleurs. Là, tu pourrais peut-être partager en même temps le lien de Frivolesque sur la page de Puissance Maximale. Tu m'en demandes pas mal. Parce que les gens pourront se préparer à la venue d'Étienne la semaine prochaine, qui va venir nous parler de son webcomic à l'émission la semaine prochaine également. Sinon, rapidement, il me semble que j'avais un autre truc que je voulais dire aux gens. Je suis comme toi, Andrew, j'oublie des trucs. Ce qu'Andrew avait oublié de dire tantôt, c'était à propos du défilé de Putrefaction, mais bon, c'est réglé. Donc, voilà, écoutez, on va passer. C'est réglé, comme si de rien n'était. Voilà, on a passé ça. Et voilà, ben. Sinon, on va passer à d'autres nouvelles ludiques, mesdames et messieurs. Et là, j'ai une nouvelle pour vous. Je viens de trouver ça sur Internet pendant qu'on écoutait Megadeth. Une nouvelle au niveau du rôlisme du GN, finalement, des grandeurs nature. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, et sinon, je vais vous l'apprendre, que lors des activités grandeur nature, là, on a des gens qui se costument en médiéval ou dans ce genre-là, ou tout dépendant des époques dans lesquelles les activités de grandeur nature se passent. Et souvent, il y a des combats. Et combats, habituellement, c'est des armes à mousse injectée ou dans ce genre-là. Ça peut quand même frapper assez fort quand il y a bien du monde qui disent que c'est des petits combats d'arrière. Non, viendrez vous battre avec nous autres, avec ma gang à moi. Là, je suis pas spiche, je traite, je frappe ses doigts, moi. Non, ça, c'est chiant. C'est du sport, en fait, pas mal. Et là, souvent, ce qui arrive dans les grandeurs nature, c'est que il y a des gens, parce que là, c'est un système, évidemment, on se fait taper dessus, on a des points de vie qu'on doit calculer quand on se fait frapper. Puis quand on est un joueur honnête, qu'on s'est fait frapper à cette fois, ben on tombe mort par terre. Bon. Mais là, il y a des gens qui sont allés, disons, qui proposent un truc sur Kickstarter qui s'appelle c'est des épées interactives sans fil qui permettent. Là, malheureusement, ce que je vois, c'est que ces épées-là. Je vous poste la vidéo directement sur la page de Puissance Maximale, vous pourrez aller voir ça. C'est des épées lumineuses, donc ça pourrait bien aller dans un gène Star Wars. Il sort-tu en avril? Pas en avril, mais en juillet, c'est quand que ça sort? Ben, c'est un Kickstarter, donc les gens peuvent aller voir. Et là, ce que l'épée fait, c'est qu'elle calcule les points pour vous. Oh. Ça fait que je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, premièrement, ça fitterait plus ou moins avec le médiéval vu la couleur. Mais là, j'ai regardé la vidéo sans son là, parce que là, moi, j'ai pas avec l'ordinateur à la station ici à mon poste, je peux pas écouter le son des vidéos. Mais d'après ce que j'ai pu voir, tu sais, si ça ressemble à un lightsaber, tu sais, je me promènerais pas avec ça, dans un truc décorum, tu sais, vraiment avec un truc médiéval ou même renaissance. Ouais, mais ils vont peut-être faire des variantes. Là, peut-être, ouais, c'est ça. Là, c'est à cause que le produit s'appelle Sabertron. Fait que je m'attends vraiment à ce que ça ait une petite saveur high-tech, laser, tout ça, mais tu sais, s'ils réussissent leur Kickstarter, ils vont peut-être faire des versions plus épées normales, ça. Ça pourrait être une bonne solution, mais je trouve ça plate un peu que dans les GN, on soit obligé d'en arriver à des solutions comme ça. Parce que, tu sais, ça reste un jeu, c'est pas sérieux, mais tu sais, habituellement, nous, notre gang, puis la plupart des gens avec qui jouent, c'est des gens fair-play. On en reçoit un coup, on le compte, puis en tout cas, on dirait que je trouve toujours que c'est un peu infantiliser les joueurs de mais moi, je suis mauvais en mathématiques. Hey, Andrew, là, t'es capable d'enlever un point à chaque fois que tu te fais taper sa gueule. Non, mais ça devient compliqué quand ça monte à deux. Ah, tellement, tellement. Mais bref, c'était ma nouvelle GN du jour. Donc, en tout cas, on verra ce que c'est. C'est un Kickstarter, c'est à surveiller, voir si ce sera, ça va être très, très, très, très populaire. C'est à voir. Monsieur Castegan, est-ce que tu as d'autres nouvelles ludiques? Ben oui. Ben oui, toi. Mais quel genre? On s'en va en musique, non? C'est une blague, en fait. The Last of Us. Oui. Sur PlayStation 4. Ah ouais? Confirmé. Oh, ça, c'est intéressant. Oui, monsieur. Parce que déjà que les gens de Naughty Dog sont capables de faire des beaux jeux, en fait, font habituellement des beaux jeux, là, si on peut avoir une version next-gen. En fait, ça va être un portage directement? Ça va être The Last of Us Remastered. Oh. Donc, on parle ici du jeu. Plus le DLC Left Behind, plus un lifting graphique pour le mettre au parfum, là, dans le fond, là, de la nouvelle génération. Donc, ben, ceux qui n'ont pas l'Astava, ce serait peut-être. Et qui ont une console de la nouvelle génération de PS4, ça peut-être. Et on parle de cet été. Ah, quand même, ça va être rapide. Oui. Là, le printemps arrive, vous allez faire le ménage dans votre cour, là, mesdames et messieurs. Là, les impôts, finir ça, régler ça, puis après ça. Quand l'été va arriver, il va faire mauvais là, cet été, là, parce que si on se fait l'hiver qu'on a eu, préparez-vous. Là. En fait, ils vont voir encore de la neige. On ne devrait pas vous baigner, il va y avoir encore de la glace dans votre piscine. Là, c'est ça, donc aussi bien vous achetez une PS4 et de Last of Us. Oui, monsieur. Donc, il n'y a pas de date précise. OK. On parle de cet été. inclut tous les DLC. Et il y aurait certains commentaires. Dans le fond, ça serait une version commentée du jeu. Il y aurait, Oui. Ils disent tout le contenu sera techniquement rehaussé pour offrir une expérience visuelle encore plus jolie et nous pourrons profiter de commentaires exclusifs de Neil Druckmann. Nice. Ben, j'avoue que ça va être intéressant qu'on joue au lieu de regarder un remake comme The Side. Seule déception, le jeu se vendra au prix de 59,99. Ouch. Donc, on parle du plein prix de la sortie d'un nouveau jeu, alors qu'il est déjà sorti il y a un moment sur PS3 et que plusieurs personnes ont déjà le jeu sur la PS3 et qui vont juste vouloir avoir la version bonifiée du jeu. Ouais, ben ça, ben en fait, c'est en même temps le DLC compris, puis mais bon, quand tu l'as pas... Ouais, mais c'est juste parce que quelque chose de plate, c'est qu'il y a certains jeux qui offraient la possibilité de faire un programme de conversion, là, t'sais, dans le fond. Puis là, on dirait que, t'sais, dans le fond, mettons que t'avais un jeu qui sortait exactement la même version, un peu comme Injustice, tu pouvais payer un prix moindre pour avoir une version rehaussée, dans le fond, de ton jeu. Et ouais, mais en même temps, moi, je serais pas le genre à me racheter un jeu parce qu'il est plus beau, là. Mais non, mais t'es, mettons, pour 10$, t'achètes ton jeu, à 20$, là, pis là, t'sais, t'as la possibilité d'avoir la version plus haute avec tout. T'sais, mettons. Avec le DLC, oui, j'avoue que. Non, c'est ça. C'est avec le DLC, pis. T'sais, il y a des jeux qui font ça, sauf que là, les éditeurs ont trouvé un petit truc pour contourner ça, parce que théoriquement, c'est une politique de Sony. Fait que le petit truc qu'ils ont trouvé, ben, ils mettent un nom après le nom de jeu. Non, c'est comme ça, c'est pas exactement le même jeu. Non, c'est ça. Un peu comme Tomb Raider. Ouais, à ce moment-là, c'est un peu n'importe quoi. On mais voit Tomb Raider, il demandait-tu 60$ à la sortie? Oui. Ouch. Non, ça, j'avoue qu'à ce moment-là, quand on a une possibilité d'avoir un programme intéressant, comme ce que une politique comme Sony propose, je trouve ça plate que les développeurs n'embarquent pas. Mm-hmm. Et après ça, on va critiquer ceux qui piratent les jeux, puis en tout cas, je dis ça comme ça. Encore une fois. Écoutez-nous. Là, ça va rester en dessous. Écoutez-nous. C'est ça. Autre nouvelle, M. Castigan? Oui, on aime ça, nous, ici, parler des fois des études scientifiques et psychologiques sérieuses sur le comportement de nous, joueurs, que nous sommes sur... le jeu vidéo. Oui. Et je faisais une pause à secteur 51. Ouais. Non, mais ça. En fait, il y a eu une nouvelle étude qui a été faite... en fait, je tiens à spéciser qui précise... Ouais, c'est une étude sérieuse. Ouais, il paraît que les gamers sont responsables des croisades au 12e siècle, je pense. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, il y a eu une nouvelle étude et il paraîtrait que l'agressivité des joueurs, parce que tout le monde le sait, on est tous des joueurs agressifs, on bat des femmes et on tue des chatons. Oui. Ben en fait, c'est qu'on on est agressif parce qu'on c'est lié au sentiment de perte de contrôle. De perte de contrôle. Moi, imaginez-vous que quand on est dans un jeu, on est en contrôle. On joue, on contrôle le personnage, on contrôle ce qui arrive, et on est en contrôle de la situation. Il n'a jamais joué à Dark Souls, bien. Et, ouais. Ou I wanna be the guy. Non, c'est ça. Mais bon, du fait qu'on a ce sentiment de contrôle, quand on affronte les problèmes de la vie, mais on est agressif. Parce qu'on est plus en contrôle. On est déconnecté de la réalité tellement, là. Oui, exactement. Et c'est l'explication, en fait, que le docteur Andrew... Ben oui, Andrew... Andrew, là, préparez-vous. Te voilà des mains. Ah, c'est ça! C'est lui! C'est lui qui a déclaré la guerre. Ouais. Il lui dit que c'est le docteur Andrew. Andrew Bzikwiacki. Envoyez-moi donc le nom que je le prononce comme du monde à la place. Ouais. C'est un défi que tu me lances, là? Ouais, tu vas voir, c'est quelque chose, Andrew, hey! D'accord, donc Andrew Pribilski. Et voilà, tu vois, je l'ai eu. Mais avoue, par exemple, que c'est un peu déstabilisant. Ouais, mettons qu'il y a beaucoup de consonnes dans ce nom-là. Fais juste les plus pour le fun. Donc, on parle de Pribilski. Donc, Pribilski. À mon avis, c'est russe. Ouais, ou... en tout cas, pays de l'Est. En tout cas, c'est pas grec. Non, effectivement. C'est pas grec. C'est pas grec, ça, je confirme. Mais bref, ce docteur-là travaille pour la Oxford Internet Institute. OK. Et c'est suite à ces études-là là, que, dans le fond, les joueurs se développent un besoin, une dépendance significative à être en contrôle de toute situation. Et quand on est plus en contrôle, ben on devient frustré et on risque pas à comprendre ou à maîtriser ce qui arrive. C'est pour ça que les millions de joueurs sur la planète sont tous comme ça. Ben oui. C'est reconnu. Oui. Il n'y a pas de choix arbitraire. Elle donne un cas exemple que je joue un jeu de tir et là, je me présente à une place et que normalement, je serais frustré. Ma réaction première en tant que joueur serait de tirer le gun avant de moi. Bon, c'est peut-être pas à ce point-là. C'est peut-être plus nuancé, là, Andrew. Non, dans le jeu, je parle. Non, mais dans l'étude. Oui, oui, non, c'est plus nuancé. Mais bref, vous comprenez le principe. Nous sommes tous des gens stressés. Et on aime ça être en contrôle des choses. Mais bon, ce serait à lire peut-être au complet comme étude. Là, on peut pas vraiment juger sur un résumé web. L'article parle juste du résumé, mais il paraîtrait que l'article est disponible. Excusez-moi, que l'étude est disponible sur le site du Oxford Internet Institute. Excellent. Si vous êtes plus intéressé. Ça vous intéresse, allez chercher ça. À la chose. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. Mais j'en parlais par principe que... Faut en parler. Faut en parler, ben oui, c'est ça. C'est ça notre mission. Et M. Castellan avait une autre nouvelle ludique. On va aller en musique. Et là, on va aller entendre un groupe qu'on aime bien, la Puissance Maximale, qu'on fait jouer souvent. C'est le Nahul Band. On parlait de rôlisme tantôt. On va aller entendre ce que des monstres ont à dire face aux méchants chevaliers qui parcourent les donjons afin de les combattre dans les jeux de rôle. Je vois pas la toune. Bon, non, c'est une blague. Ah, tu penses? Je faisais un running gag. Ouais, c'est ça, c'était un running. On a des problèmes des fois qu'il y a certaines chansons qui apparaissent pas dans le... C'est l'encodage, Monsieur Michaud. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est technique. Elle est là, cette chanson. Et ça s'appelle Revendication monstrueuse du Nahul Band. On vous envoie ça dans vos oreilles à CJMD FM 96.9 à Lévis. Des débutants qui veulent nous péter les dents juste pour gagner un niveau. Moi j'ai une femme, trois gosses et 700 asticots. Et toi l'elfe noir dans le désespoir vient défiler aussi. Sortons du cimetière prétentieux et fiers, tout seul et sans amis. Ces nains invipés, bruyants et tarés, fringués comme des blaireaux. Emmène la vaisselle, fouille dans les poubelles et saccage nos châteaux. Marre de ces aventuriers qui ne pensent qu'à festoyer. C'est quand même pas compliqué. Nous ce qu'on veut c'est rester sale et déprimé. Les égarants, les héros, vampires, arrête de dormir et viens défiler ce soir. Avec nos ombrelles noircissons le ciel, dansons dans nos manoirs. Défendons nos droits, mettons hors la loi ces héros illusoires. Brûlons tous ces pieux, jetons dans le feu ces croix et ces miroirs. Y'en a marre de ces bourrins qui massacrent au nom du lien. Même si nos dents sont pointues, on n'aime pas s'éveiller avec un pieu dans le cœur. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiaud, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec le Null Band et Revendication Monstrueuse. Et là, vous venez d'entendre M. Franck Pithiaud, alias Perceval, dans la série Kaamelott, qu'on avait eu la chance de rencontrer donc en 2012 à Géanime. T'es-tu content? Et voilà, ouais, content. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Mesdames et messieurs, il est temps de parler d'une grosse nouvelle pour la région de Québec au niveau des événements geek. Et là, je parle... Tenez-vous bien. Là, tu m'as pris de court. Je suis en train d'oublier c'était quoi. Hein? Préparez-vous. Tantôt, là, on a parlé avec Chantal d'un certain Comic-Con Ottawa. Et on a su, en fin de semaine, qu'il y aurait un Comic-Con Québec. Et oui, mesdames et messieurs, au mois d'octobre prochain, il y aura Comic-Con Québec qui va se tenir au centre des congrès. Au centre des congrès, donc, dis-je, de Québec. La fin de semaine, là, 24, 25, 26 octobre. Donc, dans ces dates-là, on nous a confirmé ça en fin de semaine de source sûre de l'organisation. Ah oui, pas mal. De l'organisation de Comic-Con. Que ça s'en vient à Québec. Donc, préparez-vous, là, les gros événements à Montréal et Ottawa. On va voir ça aussi dans la vieille capitale. Ça va être plus gros à Québec, parce qu'on est plus hot. Non, c'est une blague. Non, on vous aime, Ottawa et Montréal. Ouais. Mais on va être plus hot pareil. Non, donc, préparez-vous. Il n'y a pas encore de grosses annonces qui ont été faites, mais inquiétez-vous pas que Puissance Maximale est sur le cas. J'ai déjà mes contacts qui sont au travail pour que je puisse avoir les bonnes informations au bon moment lorsque les annonces vont être faites pour avoir une entrevue peut-être avec les gens de Comic-Con. Donc, préparez-vous. Fin octobre, autre gros événement geek. Là, on avait Nadeshikon. On a Geek Fest qui s'en vient au mois de juillet. Hey, ça aussi, j'ai pas mal hâte, en fait. Ouais, surtout qu'on a trouvé, là, c'est qui l'imposteur. Non, c'est ça. Et là, il y a beaucoup d'attentes pour Geek Fest. J'ai vraiment hâte d'être là. Et en plus, au mois d'octobre, Comic-Con, Québec qui s'en vient. Donc, des gros noms, ça veut dire qu'ils s'en viennent, des invités de marque au niveau geek qui s'en viennent à Québec au mois d'octobre. Sinon, autre nouvelle, n'oubliez pas, en fin de semaine, c'est le Salon du Livre de Québec. Et au Salon du Livre, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, Guy Bergeron qui va être là, vous pouvez aller le rencontrer, acheter ses livres. Si je ne me trompe pas, il y a Mel Gosselin aussi qui va être là. Ah, ça se peut, aussi auteur de la région. Il me semble que j'ai vu ça passer... Tantôt. Auteur de la région de Québec. Il écoute l'émission, d'ailleurs. Salutations à Mel Gosselin. Effectivement, qui est sœur de Patricia Gosselin, qui est aussi une de nos auditrices. Oui, tout à fait. On les salue, d'ailleurs. On les salue tous les deux. Oui, je te confirme. Dimanche, le 13 avril, de midi à 17h, elle va être au Salon du Livre pour la présentation de son livre « Cétacea ». Et voilà, donc allez-y, en grand nombre, allez rencontrer Mel et plein d'autres auteurs qui vont être sur place là, dans le domaine geek qui touche à ces sujets-là, et plein d'autres genres d'auteurs également. Mais le Salon du Livre, c'est toujours une belle sortie. D'ailleurs, là, ce soir, il va peut-être être trop tard parce que 9h arrive quand même assez rapidement, mais moi, je vous dis demain soir, là, les mercredis, jeudi soir, c'est les journées, absolument les soirées les plus tranquilles au Salon du Livre, parce que j'y travaille, imaginez-vous donc, je serai là, donc, demain... Ah oui, c'est ça, si on veut venir voir un beau bonhomme, on ouais, vient vous passez au kiosque du petit distributeur d'Immédia. Ok, j'ai écrit ça. J'y serai, mesdames et messieurs, en tant que... je vais travailler sur le plancher, en fait, là. Mais si vous voulez rencontrer des auteurs, des fois, il y a moins de signatures, mais donc, ça vous tente de bouquiner tranquille, de vraiment magasiner, prendre votre temps. Les meilleures journées pour le Salon du Livre, c'est les mercredis soir et les jeudis soir. Donc, pour demain, là, si vous avez le temps d'y aller, vous voulez aller au Salon du Livre, je vous le suggère parce que je vous le dis tout de suite, là. Le vendredi soir, c'est encore pas pire. Mais le samedi, là, toute la journée, c'est l'asile. Le dimanche, l'année passée aussi, ça avait été assez mongol. Donc, si ça vous tente d'arriver avec une double poussette le samedi, c'est correct. En même temps, on peut pas empêcher les gens de venir. Puis en même temps, c'est le seul moment qu'on a dans notre semaine pour y aller. C'est tout à fait légitime. Mais faites pas le saut. Je vous dis ça demain. Donc là, demain soir, ça serait l'idéal. Là, si vous avez la possibilité d'y aller, avoir ça tranquille, puis qu'il n'y ait pas trop de monde, allez au Salon du Livre en fin de semaine. En plus, je vous rappelle que c'est le festival de la BD francophone en même temps. Donc, si vous êtes amateur de BD, où il y a plein d'activités également, pendant cette fin de semaine, au Salon du Livre. Monsieur Castegan, autre nouvelle ludique. Oui, au grand malheur des fans de Watch Dogs. Qu'est-ce qui se passe-t-il encore avec Watch Dogs? Ben, vous avez, dans le fond, qu'il y a une version pour les différentes consoles, et il y a une version PC. Oui. Malheureusement, pour les joueurs PC, le service Uplay sera obligatoire pour jouer au jeu. Arc. Même si vous achetez le jeu sur Steam. Arc. J'haïs Uplay. Et là, les joueurs, évidemment, décrient le scandale, comme de quoi, bon, ben, Ubisoft essaie encore de nous pousser un DRM, son titre AAA. Là, ça va chier, excusez-moi le terme encore une fois. Comme qu'est-ce qui est arrivé avec Far Cry 3, là, qui avait eu pas mal de problèmes de connexion là, pour jouer là, lors du lancement ou quoi que ce soit. Mais Ubisoft ont justifié en disant, ben, même si on achète le jeu sur Steam, c'est à cause Uplay va être là pour mettre à profit ses services. Des services tellement essentiels, là, tellement pratiques. Ben oui. Fait que malheureusement, pour les gens qui achèteront Watch Dogs au PC, ça c'est moi, ça. Vous allez être pogné avec Uplay. Damn. Parce que malheureusement, Uplay il est bien intégré ses consoles, mais pour PC, c'est autre chose. C'est ça, pour pas dire autre chose. Donc voilà. Arc, ça me tente pas. Bon, bref. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Ben oui, toi. Suite au succès de Goat Simulator. Ah non. Ben imaginez-vous. Non. Qui va avoir. Je veux pas parler de ça. Plus de contenu à partir de la mi-mai. Le studio va commencer à sortir du nouveau contenu. On parle d'une nouvelle map à peu près de la taille de la première. Et il faut aussi ajouter qu'il y a maintenant des mods dans le jeu. On s'en fout. Quel temps. Voilà, donc... On s'en fout de Goat Simulator. Excellent jeu à 10$ disponible sur Steam. Moi, d'ailleurs, je tiens à saluer M. Francis Baudry, un ami personnel qui l'a acheté. Baudry, calvas. Ben, il apprécie son achat. Ah non. Finalement, le jeu, il est peut-être aussi le fun qu'un oulaoup. Oulaoup. Ah non, c'est ça que j'allais dire. Essaye la don à 100 dessous. Oui. Non, c'est soit ça ou Baudry est juste... Il est juste en phase terminale, puis où il a trop bu, où il a commencé à faire de la poudre, je sais pas. Il faut que j'y parle. Bref, Goat Simulator, plus de contenu. Ridicule. Ouais. Autre nouvelle, M. Castegan? Ben, M. Michaud, est-ce que tu es fan de Dragon Ball? Écoute, je pourrais pas dire un grand, pas un fan fini, mais un fan de la première heure, ça c'est sûr. J'ai lu les mangas quand j'étais jeune. J'ai des jeux vidéo Dragon Ball, non, c'est pas vrai, j'avais haï l'anime à l'époque. Mais oui, je connais, j'apprécie Dragon Ball. Ben, si je te dis qu'il y a une gang de gens qui sont en train de faire un jeu de combat de Dragon Ball sur PC, mais à la old school, comme à l'époque des jeux sur Super Nintendo. OK, j'ai jamais joué au jeu Super Nintendo de Dragon Ball. T'as jamais joué? Non. Tu me manques de quoi? Ben, j'imagine. Ben, il faudrait peut-être que j'en trouve sur émulateur pour pouvoir profiter. Bien sûr que tu vas supprimer après 24 heures pour rester dans la légalité. Je sais pas de quoi tu parles. Non, c'est juste parce que je faisais référence à... Ils sont pas free of... Fait que, en fait, je viens de partager un lien sur la page Facebook qui mène à la page Facebook du dit projet. Et à votre information, si vous fouillez un petit peu dans la page Facebook, vous allez découvrir qu'il y a un lien pour downloader le démo du dit jeu en question. Ah, il faudra que j'aille vérifier ça de chez moi, je vais aller le tester. hyper Dragon Ball Z. Tiens donc. Bon, ben, je vais aller regarder ça chez moi. Donc, à surveiller, c'est fait par des amateurs, bien sûr, avec le système Mugen qui permet de faire des jeux de combat personnalisés. Dans le fond, c'est un peu comme RPG Maker, mais pour les jeux de combat. Okay. Mais quand même très puissant. On peut faire vraiment de la programmation dedans, un peu plein d'affaires de même. J'ai vu, entre autres, Cyprien, le YouTuber français que pas mal de personnes connaissent, jouer, je pense, à une version de d'un jeu de combat fait par Mugen avec un curseur comme combat. Ah, c'était ridicule. C'est complètement con. Si vous pouvez tomber là-dessus, c'est complètement niaiseux. Mais ça peut vous donner la possibilité de monter vous-même un excellent jeu de combat ou des niaiseries. Exactement. Donc, c'est basé là-dessus. Allez visiter ça si vous êtes amateur de Dragon Ball et de jeux de combat old school. Vous pourrez aller voir ça. C'est sur la page Facebook de Puissance Maximale. Monsieur Castegan, j'ai envie de vous proposer de retourner en musique. Ben, j'arrête. Ben, on va avoir le temps pour une dernière nouvelle. Ben, sûrement. Ben, vas-y donc. Ben, on parle en musique aussi. Mais c'est parce que la toune qui s'en vient, on parlait de jeux de combat, puis ça donnerait bien. Ben, ça cause que l'autre nouvelle implique un jeu de combat. Moi, qu'est-ce que je propose? Ah, ben là, vas-y, à ce moment-là. Ben, il y a eu le Nintendo Direct cette semaine à propos de Super Smash Bros. OK. Sur la Wii U et la 3DS. Mais c'est quand même un dossier assez important, avec quand même pas mal d'informations. Fait que je te dirais effectivement qu'on pourrait aller en musique, qu'on pourrait revenir, et je donnerais tout le détail croustillant qui a été donné dans ce vidéo-là. Ah ben excellent, allons en musique à ce moment-là pour vous tenir... Puisqu'on reste dans la même thématique. Non, c'est ça, exactement, pour garder un peu le suspense. Mais on va entendre une chanson interprétée par M. Eric Calderon, une pièce de jeu vidéo donc de la série Meets Metal. Ça s'appelle Killer Instinct. Vous allez voir, elle est excellente cette reprise. On aurait pu jouer sur l'écran G, hein, les chicanes, mais je l'ai pas fait. J'étais intimidé. Ah, t'aurais pas dû. Donc, Killer Instinct Meets Metal de Eric Calderon. On vous envoie ça dans vos oreilles. Vous allez voir, ça brasse pas mal. À puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente reprise du thème du jeu Killer Instinct par Monsieur Eric Calderon. Et Monsieur Castegan, juste avant, je voudrais dire à la radio que Monsieur Guy Bergeron, l'auteur dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission et qui sera avec nous la semaine prochaine, on vous dit qu'il allait être au Salon du Livre en fin de semaine, ben il sera là demain, 18h à 20h. Au Salon du Livre, donc allez au Salon du Livre, ramassez un petit fascicule à l'entrée et ils vont vous dire où est-ce que M. Bergeron signera et rencontrera les lecteurs. Donc une invitation qu'on vous fait à aller rencontrer M. Bergeron, très très très sympathique auteur et en plus il est bon. Et il va être là samedi aussi. Il va être là samedi de également. De 10h à midi, de 14h à 15h. Donc voilà, c'est lancé, rendez-vous au Salon du Livre en fin de semaine pour rencontrer, entre autres, M. Bergeron. Et M. Castegan, il est temps de finir cette émission avec une nouvelle. On parlait de Smash Bros, justement, une nouvelle qui est sortie cette semaine. Donc, pas une nouvelle, en fait, c'est une vidéo. Nintendo fait des petites capsules qu'on appelle Nintendo Direct, qui est publié sur YouTube. C'est généralement là qu'ils font des grosses annonces. Et ils en ont fait un dédié à Super Smash Bros cette semaine. Okay. Je pense que ça a été fait hier ou avant-hier, ce Nintendo Direct-là. Mais bref, là n'est pas la question. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce Super Smash Bros 3DS et Wii U? Parce qu'il faut savoir que la nouvelle mouture de Super Smash Bros va être sur deux plateformes. Oh. Donc, premièrement, chose à savoir, Super Smash Bros... Oh, attendez un peu, j'ai appuyé sur le bouton de centre. OK, parfait. Donc, Super Smash Bros... 3DS va sortir cet été. OK. Et que Super Smash Bros. Wii U va sortir cet hiver. Oh. Là, il y a du monde qui dit « Ouais, mais là, c'est quoi, s'ils sortent sur 3DS, le monde va jouer sur 3DS, puis après ça, ils vont arriver sur la version Wii U, puis ils vont faire ouais, le même jeu avec des nouveaux graphiques et tout ça. » Moi, c'est pas ça que je me dis. Je me dis que ils sortent tard en maudit leur version Wii U. Là. C'est le temps qu'ils sortent des jeux, en tout cas. Ouais. Mais le monde qui aurait pu en réagir comme... Comme t'as dit. Comme j'ai dit. Mais détrompez-vous, mesdames et messieurs, parce que la version Wii U et la version 3DS, ce n'est pas le même jeu, mesdames et messieurs. Ah, d'accord. C'est des jeux de combat. Il y a les mêmes personnages, mais il n'y a pas les mêmes arènes, il n'y a pas les mêmes modes. Ah. Donc, si vous achetez la version 3DS, vous n'aurez pas une copie conforme de votre version Wii U. Donc, ça peut justifier possiblement l'achat des deux. Je vous dis pas que vous devez acheter forcément les deux, mais si vous êtes un grand fan de Super Smash Bros., vous pourriez avoir l'intérêt pour les deux. Ouais. Exactement. Donc, au niveau de la version 3DS, on va retrouver une bonne partie au niveau là, du rooster de base de la Wii U. Et il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. La 3DS va être capable de rouler, excusez-moi, le jeu en format 60 images par seconde. Quand même, qu'est-ce qui est très considérable pour une console portable. Et pour tout qu'est-ce qui est Pokéball, les trophées d'aide. Parce qu'il faut savoir que dans Super Smash Bros., les Pokéball et les trophées qui viennent vous aider, c'est comme des petits summons, des petits monstres qui viennent vous aider. Mais ben, eux vont être à 30 images par seconde. Donc, quand même très élevé pour une console portable. Et bien sûr, la 3D va être mise à contribution. Et aussi, il va y avoir un mode exclusif qui va s'appeler le Adventure Smash, qui va être un genre de donjon où on va faire du side-scrolling puis se battre contre des ennemis, un peu comme le mode aventure qu'on avait dans Super Smash Brawl. Nuance, on peut jouer jusqu'à 4. Oh! Donc, quand même très intéressant. Donc, maintenant que vous avez des amis qui ont le jeu, ben, vous pouvez vous faire un petit team-up. Là. Un petit party. Et l'objectif du jeu, en fait, c'est de ramasser un maximum de bonus en 5 minutes pour se préparer pour le combat final dans lequel les 4 s'affrontent un contre l'autre dans un mode free-fall. Parce que dans le fond, c'est comme un genre de donjon. Vous courez, vous battez le plus de monstres possible pour vous gagner le plus de points. Vous arrivez à la fin, au centre, tout le monde bat, puis il y a un gagnant. C'est ça le principe du Adventure Smash. Qu'est-ce qui peut être un mode très intéressant pour un multijoueur au niveau de la console portable? Mais bien sûr, au niveau où tous les regards se sont mis, c'est sur la version Wii U. Où, dans le fond, il va y avoir, dans le fond, certains changements. Ici, on parle, dans le fond, qu'il va y avoir plus de boss. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un mode story qui a été mis dans Super Smash Bros. Brawl. Et le monde a trouvé ça, bien sûr, excellent. Moi aussi, j'ai trouvé ça génial qu'ils rajoutaient ça dans Super Smash Bros. Et un des gros points forts que le monde aimait, c'était les boss. Parce que c'était souvent des figures emblématiques de différentes franchises. Mais les boss seront de retour, mesdames et messieurs, au niveau là, de Super Smash Bros. Wii U. Où ils disent ici que les boss vont être plus coriace, va avoir un plus gros impact dans les parties parce qu'effectivement, les boss étaient un peu faciles dans Brawl. Donc, dans Wii U, on parle d'un niveau de difficulté un peu plus élevé au niveau des boss. Donc, risque d'avoir un certain challenge qui va être rehaussé. Mais le gros changement ici est le mode en ligne qui va être intégré au niveau de Super Smash Bros. Brawl. Il faut dire qu'avant, le jeu en ligne, c'était pas à force de Nintendo. Hein. Non, c'est ça. Et là, ici, on parle d'un mode en ligne séparé en deux groupes. Le groupe For Fun et le groupe Pour la Gloire. Oh, oh, oh. Et le For Fun, en fait, ça va être des arènes de 4 joueurs avec une sélection de stages aléatoires. Et aussi que les victoires vont être comptabilisées uniquement sur les fiches de joueurs, donc n'ont aucun impact sur son classement. Et tous les objets et toutes les règles sont activés. Okay. Le mode pour la gloire, on parle ici qui va être plus restrictif, ça va être des arènes plates. Donc, dans le fond, plates, je parle en termes de plats, comme exemple destination finale. Et ça va être des duels avec aucun objet. Et les défaites vont être comptabilisées sur votre rang. C'est un peu à la tournoi, là. Exactement. C'est sérieux, là. C'est sérieux. On joue, c'est sérieux. Voilà. Et ça va à un même point où Nintendo va intégrer un système anti-triche qui fait en sorte que si vous vous essayez de vous quitter le jeu avant de perdre, donc Nintendo, ils disent qu'ils vont comprendre que si tu viens de rentrer dans un combat puis tu quittes, ben, ça se peut que ça cause un problème Internet ou que tu avais un contretemps. Mais si tu es en train de perdre ta partie puis que tu quittes, ils vont en prendre note. Et si tu fais ça à répétition, ils vont dire « Hmm, on aurait peut-être un petit tricheur qui quitte pour pas avoir des pertes dans sa carte. » Ouais, c'est ça. Et avoir une puissance match qui est ici le rang plus élevé. Donc, soyez au courant que Nintendo va avoir ce genre de système anti-triche-là et que les méfaits seront punis. Donc, dans le fond, les cartes pourront être ajustées et dans le fond, finalement, vous allez perdre vos rangs pareil. Même peut-être plus. D'accord. Et, autre point, personnalisation des attaques. Okay. Sur les personnages, vous allez pouvoir, dans le fond, personnaliser vos combos et les attaques spéciales de vos personnages. Donc, quand même, quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu dans les Smash. Et il va y avoir, bien sûr, une modification majeure du gameplay de plusieurs personnages, comme exemple Zelda qui pouvait devenir Shake, qui était comme sa personnalité cachée dans Zelda Ocarina of Time. Ça va être deux personnages distincts. Et Samus et Samus Zero Suit vont être également deux personnages distincts avec leur propre palette d'attaque. Et aussi, les personnages vont avoir des points forts et des points faibles au niveau, exemple, de est-ce que je suis meilleur à me battre dans les airs ou au sol. Comme exemple, Little Mac est un personnage qui va jouer beaucoup sur l'esquive et le combat au corps à corps au sol, mais va être très mauvais au niveau d'être dans les airs et la récupération d'une chute. Contrairement à Harmony et Luma, qui sont la princesse de Super Mario Galaxy, qui sont des personnages plus légers, qui jouent en duo, donc vont être plus efficaces dans les airs et en coopération entre eux. Donc, ils vont avoir plus de variantes et un rebalancement revu là, au niveau de tous les personnages. Et ils disent en même temps que les personnages clones seront quasi éliminés. Fait que chaque personnage auront, dans le fond, vraiment leur façon de jouer. Et dernière chose qui a été dévoilée, deux nouveaux personnages jouable, on va avoir Charizard qui va être rendu un personnage indépendant qui sera plus sous la tutelle de Pokémon Trainer, donc il va être tout seul. Et un nouveau Pokémon que je connais pas parce qu'il y en a tellement à cette heure qui s'appelle Greninja, qui est un genre de grenouille qui se bat. Ouais, voilà. Voilà. D'accord. Hey, merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de ces nouveautés au niveau de Smash Bros. Qui s'en vient sur 3DS et sur Wii U. On parle pour la 3DS de cet été et de l'hiver prochain pour la Wii U. Merci beaucoup, Andrew. Et il est temps, mesdames et messieurs, malheureusement, de terminer cette émission. C'est la fin de Puissance Maximale. On n'en fait plus. C'était la dernière émission. C'est fini, voilà. Donc, c'est la fin pour ce soir. Donc, je tiens à remercier Mme Chantal Le Campagnan, alias Fräulein Evil, de nous avoir parlé de jeux de plateau. Jeu de société, toujours un plaisir d'avoir Chantal avec nous. Je remercie M. Andrew Castegan. Toujours un plaisir. C'était à la console aussi. Et dire merci à l'équipe de Nadeshcon qui nous a accueillis la fin de semaine passée en tant que média dans leur événement. Merci beaucoup de l'accueil. Merci pour l'événement également. Beau travail. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. On vous invite à visiter notre site pour écouter nos anciennes émissions, podcasts. D'ailleurs, l'émission de cette semaine, la semaine prochaine, seront mis rapidement, d'après ce qu'Andrew m'a dit tantôt, sur le site dès cette semaine. Voilà. L'émission de la semaine prochaine devrait être en ligne ce soir. Merci beaucoup, Andrew. Et donc, je disais, allez sur le site pour les anciennes émissions et bien évidemment, allez sur la page Facebook de Puissance Maximale. On a eu des sources, là, peut-être qu'il y aurait des concours. Ouais, on vous dit ça, là. Concours la semaine prochaine, surveillez ça. Donc, Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement sur Facebook. Appuyez sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et pour avoir des nouvelles fraîches de l'émission. Et partagez la page Facebook de Puissance Maximale à tous vos amis. Et en terminant, on vous souhaite une excellente semaine de jeu.